J'allais de fleur en fleur peinard, je m'en foutais plein l'abdomen du nectar. C'était nous les rois de la tige, et avec mes potes on aimait passer des journées de voltige à flâner. On n'avait pas besoin de se presser pour vivre, il suffisait de se baisser, je te jure, comme dans les livres. Y'avait bien les frelons du dessus qui pensaient avoir le pouvoir. Genre ils nous prennent pour une autruche, nous et notre ruche. Ils veulent nous dicter leurs lois et puis nous faire voler au pas. Mais ensemble on est bien plus fort que ces gars-là. On n'avait pas besoin de se presser pour vivre, jusqu'à ce que des gros doigts poilus nous polluent. C'est pas super chirurgical, c'est pas super chirurgical. De quoi rendre cancérigène même les plantes médicinales, même les plantes médicinales. De génie, mais hélas pas inoffensif pour mieux se faire payer entre eux. C'est l'agriculture intensive à grands coups de gaz et d'enfumage, à coups de pulvérisateur, des métastases dans leur fromage. Merci Pasteur, alors que ça nous tue d'accord, s'en fout que ce soit important. Mais le pire c'est qu'ils se tuent d'abord à trop bouffer des détergents. Traiter ces plantes au canadaires, c'est pas super chirurgical, c'est pas super chirurgical. De quoi rendre cancérigène même les plantes médicinales, même les plantes médicinales. À traiter ces plantes au canadaires, c'est pas super chirurgical, c'est pas super chirurgical. De quoi rendre cancérigène même les plantes médicinales, même les plantes médicinales.